crois que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grolles quand je rentre dans la chambre du petit rossignol. Qu'elle couvre, c'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre, elle le protège comme une louve. Même le chat pépère, elle en dit du mal sous prétexte qu'il perd ses poils. Elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. Mes mains l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis t'es un jardin, une fleur, un ruisseau. Alors elle devient toute rouge. Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque. Voilà. Qui... Arrête. Tu peux supporter. Qui peut nous rappeler le numéro de téléphone de la radio? Vas-y, Nicolas. C'est 03 29 62 40 40. Voilà. Donc, vous pouvez appeler à ce numéro-là si vous connaissez la chanson. Pas moi. Alors, on commence par quoi? Non. Là, Corinne, faut dire avant les Jones là, les Jones. Bien, Nicolas. Alors, qu'est-ce qui a changé aussi par rapport à l'émission l'année dernière? Comment on s'appelait? La radio Guimauzou. Les ados. Non, les ados. Les ados. Oui. Non, c'est pas les Jones. C'est les Jones. Christopher, tu sais, c'est Nicolas qui parlait. Christopher. Alors vas-y. C'est quoi maintenant, Nicolas? C'est les Jones. Les Jones. Donc maintenant, on s'appellera les Jones. Ça, c'est bon oui. Pour tout le monde. Et vous avez donné votre prénom tout à l'heure, mais vous n'avez pas donné votre âge. Alors, on refait le tour. Sauf Régine et moi, on est dispensés. Hein? Merci. Voilà. Allez, Nicolas, vas-y. J'ai 13 ans. Tu as 13 ans. Gabriel. 10. Un peu plus. 11. Encore un peu. Après, on sait. 4. Non. Doux. 10. Bien, Gabriel. Oh. Alors, Zinedine, ouais. Tu as quel âge? 13 ans. 13 ans, bien. 14 ans. Oui. Et Camille? 13 ans. 14 ans, c'est ça? 13 ans. Ah oui, excuse-moi, 13 ans. Pas 14. 22. Ah, c'est pas vrai, Corinne, là. L'année dernière. La 41, hey, Corinne. C'est l'émission des jeunes, ça. Nous, on est jeunes. Hein. La 41, sinon, Corinne. On serait pas là. 22, elle dit. La 31, Corinne. Oui, non, mais c'est ça, oui, Nicolas. 31, disons. Allez, on continue. Alors, on a dit qu'on ferait quand même un rappel des règles aussi. Pas parce que Gabriel est nouveau. Donc, j'aimerais que ça sorte de votre bouche. Quelles sont les règles, mais surtout que vous les reteniez hein, tout au long de l'année. Alors, tiens, Nicolas, donne un exemple. On touche pas les micros. Voilà, Zinedine. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire à la radio? De n'a crier. Pas crier, oui, ouais. Zinedine, c'est bien. Christopher, un exemple. Le doigt d'honneur. C'est pas ça que crier. C'est pas ça, faut dire. Vas-y, Nicolas. Faut pas couper la parole. Ah, ça, c'est important. Oui. Mmh. Aussi, faut pas me rigoler dans les micros. Hein. Oui. On évite. Vaut mieux parler que de rire tout le temps. Camille, est-ce que tu as un exemple? Ne pas dire de gros mots. Ah oui, ça, c'est important aussi. Le respect. Mmh. Ensuite. Quoi? Un autre exemple. Est-ce que quelqu'un a un autre exemple? Ça t'a dit gros mots. Interdit les gros mots. Oui, Gabriel. Ah, t'as dit passer. De pincer. Oh là là, ça devient violent on à la radio. Hein, mais non, pas qu'un micro. Non. Un sort, j'ai dit. Christopher, t'as raison. Ne pas crier dans les micros. Pour toi. Parce que sinon ça fait mal aux oreilles aux gens. Voilà, pour ceux qui écoutent, c'est pas très agréable. Hein. Et puis pas foutre des coups de pied au-dessus de la table. Non, on peut pas faire. Et on peut pas. Pour dire des bêtises. Non, mais je disais ça. On est trop loin qui crie. Hein. Bah, une règle, c'est aussi s'exprimer. Non. Parler. Répondre. Hein. Ça fait partie des règles. Bah oui, on vient à la radio, pourquoi? Pour parler. Bah oui. Voilà. Donc c'est bon, on est OK? Oui. Oui. Gabriel, tu as tout compris? Oui. Donc on vient à la radio pour parler. Voilà, parler entre nous. Bien. Très bien, bravo. Déjà. Alors, musique. On a dit... Comment? Musique. Ah non, mais on... oui, il y a de la musique, mais on passe pas de la musique, musique tout le temps, Gabriel. À peu. On parle à tout peu. Le temps. Un peu, ouais. On parle tout le temps. Donc avant de passer sur les infos, Christopher, on a dit qu'on ferait le point sur les vacances, parce qu'on est parvenu à la radio depuis la dernière, en juillet. Donc, hop, brièvement, vous racontez vos vacances. Nicolas. Je suis parti en vacances. Super. Dans le nord. Dans le nord, oui. Au bord de la mer. Oui. Oui. C'est bien. Oui. Ouais. T'étais en camping-car. Non, en voiture. En voiture, ok. Tu t'es baigné. Oui. Oui. Et puis, donc, tu es resté à la mer du 19 juillet jusqu'au 26 août. Oui, je crois. Toutes les vacances. Ah, oui. Bien, ça, c'est des belles vacances. Hein. Gabriel. Bessy. Oui, alors, est-ce que tu es parti en vacances? Oui. Oui. Est-ce que tu es allé à la mer? Oui. Oui. Est-ce que tu te rappelles où? Dans le nord, comme Nicolas, ou dans le sud? Sud. Dans le sud. Sud, c'est dans la Suisse. Méditerranée. Sud. Attends, est-ce que Nicolas. Est-ce que tu t'es baigné? Non. Bon, bon, bon. Alors, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que tu étais tout le temps dans l'eau. C'est pas dit à papa. C'est papa, oui, c'est papa qui l'a dit. Alors, tu vois, on sait tout, hein, Gabriel. J'ai aidé papa à manger. Tu as aidé papa? À manger. À faire à manger. Ah, bien, Gabriel. Et puis? J'aime pas. S'il y a d'autres choses qui te reviennent, tu nous le dis? Oui. Ok. Alors, Zinedine. Bon, tu enlèves déjà les mains de devant ta bouche. Pose tes mains. Allez, raconte. Moi, j'ai regardé le foot, moi. Tu as regardé le foot. Ok. Moi, j'ai voulu jouer au papa. Le jeu au foot, le papa. Tu as joué au foot avec papa? Non. Le jeu, le papa. Il a regardé, je crois. Oui. Tu as regardé les foot. Les matchs de foot, pardon. Oui. Oui. Alors, papa. Est-ce qu'il y avait beaucoup de matchs de foot pendant les vacances? Non. Non. On va demander à Marion, parce que... Il n'y avait rien. Elle sait. Moi. Si, au mois de... Sauf mardi. Il y a eu la Coupe du Monde de foot féminine. Oui. Ah oui. Mais ça s'est terminé début juillet. Ah oui, après, mais pendant les grandes vacances, il n'y avait pas... Non, il n'y a rien. Non. Alors... Après, le mardi aussi, je crois. C'était peut-être des rediffusions que tu as vues pendant les vacances? Non, oui. C'est le jeu papa. Tu as joué avec papa? Non. Papa joue au foot? Oui. Ton papa, il joue au foot? Oui. Tu as été voir papa jouer au foot? Oui. Au stade? Ouais. Non, au stadium. Ah, il traduit. Ouais. Et puis, il fait partie de l'équipe de Gérard May. Oui. Ou de l'Algérie, là. Non. Le pays, l'Algérie. Quoi, on sait jamais, hein. Vous voulez bien laisser parler Zinedine? Non. Alors, et puis, qu'est-ce que tu as fait d'autre, Zinedine? Quoi? Moi, j'ai entendu des choses aussi, hein, mais j'aimerais bien que ce soit toi qui le dise. Ah oui. Oui, Zinedine, de gagner. 6 points de gagner. Non, je t'ai pas demandé le nombre de points. Non. Je t'ai demandé ce que tu as fait d'autre. Moi? Très souvent pendant les vacances. Tu as été où? Réfléchis. T'as plus l'idée là, hein? Oui. T'as perdu l'idée? Est-ce qu'il y a de l'eau à Gérard May? Oui. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances? Eh ben, nager. Nager, oui. Dans le lac? Oui. Tu as été te baigner très souvent. Ouais. Hein, c'est ça? C'est bien. Et quoi d'autre, Zinedine? Quoi? Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Moi? Tu as écrit, tu as compté. Ah oui, hein? Ah oui. Oui, c'est sûr. Tu as écrit? Ouais. Non, on parle dans le micro. Tu as écrit? Quoi? C'est vrai? Quoi? Pendant les vacances? Non. Ah non. Ouais, j'ai écrit. Tu as été faire les courses? Non. Non? Tu vas pas faire les courses? Moi? Avec papa ou maman? Dites, oui. Ah, quand même, tu vois. La dernière fois, tu as dit que tu faisais les courses. Moi? Est-ce que tu choisis des choses dans le magasin? Non. Non? Oh non. Non, c'est papa ou maman qui prennent. Toi, tu pousses le caddie? Non. Ou tu cours dans le magasin? Non, mais ben, raconte, Zinedine. Non. Non. Tu restes à côté de papa et maman et c'est tout. Non, non, non. Non, bah tu fais quoi alors? Le tour. Le cours. Tu fais le tour? Oui. Tu cours? Oui. Nicolas, laisse-le parler. Oui? Oui. C'est ça? Alors, Christopher, vas-y, raconte-nous. Tu es resté chez moi. Tu es resté chez toi? Ouais, tu es sorti quand même. Oui. Oui. Surtout que toi, tu habites dans une belle ville. La Bresse. La Bresse, oui, c'est une belle ville. Puis il y a plein de choses à faire. Bah, je te le dis, moi. Oui. Donc, il n'y a pas eu de vacances particulièrement. T'es pas allé à la mer, t'as pas bougé. Non. Ok. Bon. Donc, tu étais content de revenir à l'IME? Oui. Parce qu'à l'IME, on bouge, hein. Oui. Il est fou. À Camille maintenant. Vas-y, Camille. J'étais en colo. Oui, vas-y, raconte, Camille. Tu as été où? C'était où? Saint-Dié. Voilà, Saint-Dié, oui. Et puis? J'ai marché. Ouais, tu as marché, tu as fait quoi aussi? Du poney. Du poney. C'est bien les colos pour ça, parce qu'on fait plein de choses. Ouais. T'es déjà parti, Nicolas, en colo? Non. Non? Alors, Camille, à part le poney, marcher, est-ce que tu es allé à la piscine, par exemple? Oui. Oh bah oui, quand même. Surtout qu'il faisait chaud, hein? Donc tu as été 15 jours en colo et après? T'es chez la maman, le mari. Voilà. Combien de temps? Une semaine. Une semaine. Tu t'es fait bichonner chez mamie, c'est un peu ça, hein? Voilà. Et après? Au centre aéré. Voilà. Combien de temps? Une semaine. Non, trois semaines. Trois semaines. Donc, elle a eu un emploi du temps très chargé, Camille. Hein? Moi aussi. Hein. Mais tu es contente de tes vacances? Ouais. C'est bon pour les vacances? Oui. Et Marion et Christopher, vous avez passé de bonnes vacances? Oui, une semaine en Italie. Oh, bien. Bien, bien. Chaud aussi? Chaud, mais ça allait encore parce qu'il y avait des petites ruelles à l'ombre, donc c'était agréable. Puis j'ai aussi eu un bel orage qui a bien rafraîchi. Ah oui. Très joli l'Italie. Très beau pays. Avec le pont. Avec le pont. Oui, le pont en Italie, un pont. Hein. Ah, le pont de Gênes qui est cassé. Oui, qui est cassé là. Voilà. Qui c'est déjà allé. Tu penses? Non. Non? Tu as vu ça où, Nicolas? Une fois à la télé, une fois là, qu'on avait parlé de l'année dernière. Il y a de la ressource quand même. Hein. Et Christopher? Je suis pas parti, je suis resté ici. Ok. Oh, bah. Ouais. Hein? Allez, vous auriez pu. Hein. Bah oui, hein. Et Régine, bonnes vacances? Ah, très bien. Très bien, voilà. Bien. Bah, moi aussi. Moi aussi, voilà. C'est bon pour les vacances? Oui. Oui? On espère que les auditeurs ont passé de bonnes vacances aussi, hein? Tout comme vous. Alors, on continue. Alors après? Les infos. Les infos. On a fait le tour des infos. Alors, qui avait des infos à raconter ? Moi, j'en ai plein. Alors, on va essayer d'écouter Christopher. Surtout, Régine, n'hésitez pas à intervenir. Hein. Tu baisses ta main, voilà. Si des fois, moi, il y a une info que je n'ai pas suivie, voilà. Donc, on écoute les infos à Christopher. Vas-y. Les toilettes en or qui étaient volées en Angleterre. En Angleterre, il y a eu... Un vol de toilettes en or. Ah, le vol d'un toilette en or. Avez-vous entendu parler de ça ? Non. Oh. Eh ben, si, moi j'ai entendu. Alors, vas-y, raconte, Christopher. Vas-y, des toilettes en or. Oui. Qui était un des musées. Voilà, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et qui coûte... Un 1 300 000 euros, là. 1,13 million d'euros qu'il coûte. Pour juste des toilettes en or. Voilà, qui a été volé. Alors, Christopher, il avait une idée sur ce que les voleurs ont pu en faire. Des lingots d'or. Ouais. Ils l'ont fondu. Ah bah oui. Ben voilà. Et c'est pas une mauvaise idée que tu as là. Et ça s'est passé quand, ça ? Oh, c'était la semaine dernière. Ah bon ? Ah oui, c'est pas vieux, hein. Ah oui. Toilettes en or. L'œuvre d'un artiste, et oui, qui a été volé. Bon. Ensuite, vas-y, Christopher. Alors, vas-y, quoi d'autre ? Ah oui, dans le deuxième pays, on mangeait plus d'hamburgers que les États-Unis. J'aimerais que tu remontes ton micro, Christopher. Vas-y. Dans le deuxième pays, on mangeait plus d'hamburgers que les Américains. Les Américains sont en premier, nous, en deuxième. Oui. Est-ce que tout le monde a entendu ? Oui. Non, Christopher n'a pas entendu, vas-y. Nous sommes le deuxième pays à manger plus d'hamburgers. On est le deuxième pays à manger le plus d'hamburgers après les États-Unis. Et le troisième, tu avais Canada. Dit le Canada, ouais. Vous vous rendez compte un peu ? La France, le deuxième pays à manger le plus d'hamburgers. Oh là là. Est-ce que vous en mangez, vous ? Moi, j'en mange parfois. Régine, moi, je mange McDo. Ah, ben c'est pour ça que ça a augmenté ça autant, ça. Pas moi. Pas, j'ai pas mangé, moi. Toi, t'en manges pas. Moi, j'ai mangé McDo hier. Ah, moi, c'est McDo, toi, moi. Toi, t'as mangé McDo. Ah, donc, tu en as mangé. Non, je suis pas trop... Non. J'aime pas les hamburgers. Ah, moi, c'est McDo, moi. Et toi, Zinedine, tu manges les hamburgers ? Et moi ? Oui, c'est souvent kebab, Zinedine. Est-ce que tu en manges ? Non, mais de moi, c'est carrément, moi. Tu en manges pas ? Ah non, les moussaka, moi, non. Ah, c'est kebab. Ouais. Non, ben j'aimerais que tu parles dans le micro parce que autrement on comprend pas. Les moussaka, moi. Le kebab. Oui. Ah, toi tu préfères le kebab. Les pizzas, non. Ah, Camille, tu aimes bien les hamburgers ? Oui, des pizzas. Oui. Oui. Christopher et Marion. C'est très rare. Je suis allée chez Ronald, hein, pour pas te donner la marque. Mais ça faisait un an que j'en avais pas mangé, donc c'est vraiment exceptionnel. Ouais. Oh Christopher ? Ouais, j'aime bien, de temps en temps, je vais me faire un petit McDo. Je dis pas là. C'est pas grave, c'est pas grave. Un moi, c'est McDo. Ouais, moi, je suis pas une fada non plus. Les... Pas McDo ? Tout ça. Hein. Mmh. Toi, bien non, dis pas la marque. J'aime bien les hamburgers. Et voilà. Moi, les biscuits, moi. Ok. Bien, Christopher. Ensuite, tu nous avais dit... Un si peu, là. Ah, un si peu. Est-ce que tu as besoin d'une piste ? Oui, s'il te plaît. Incendie. Ah, il y a des incendies, oui. Alors, où ? Un si peu, dans quel pays ? Alors, celui dont tu nous as parlé, c'était en Indonésie. Ah, oui, Indonésie. Oui, et tu disais que... Il y avait de la fumée. Il y a beaucoup de fumée. Et que les... Les enfants... Les habitants... J'ai du mal à respirer. Ouais, il suffoque. Suffoque. En même temps, si on parle d'incendie, il y a eu beaucoup d'incendies hein, depuis qu'on est en vacances. L'Amazonie. En France. L'Amazonie. Et même en Sud. Hein. L'Amazonie, c'est terrible. Hein. Et même en Sud. Dans le Sud, oui. Et en France. Dans le Sud. Comment, Marion ? En Afrique aussi. En Afrique. Il n'y a pas d'arbres en Afrique. Il n'y a pas d'arbres. Ah. Bah si, dans la savane, il y en a. Ah oui. C'était quoi, pourquoi l'Afrique, elle est, c'est comment? C'est un désert. Un désert. Un désert. Non. Il y a du soleil. C'est pas qu'un désert, l'Afrique. Hein. Oui, il n'y a pas que le désert. Il y a des villages où. Hein. Voilà, il y a aussi des gens qui habitent. Les délimés. Qui s'appellent Gouachour. D'ailleurs, en Afrique, il y a des très grosses forêts aussi. Il l'appelle Gouachour. Hein. Mais c'est un désastre, ça, hein, que ça brûle comme ça. Et l'Amazonie, pourquoi c'est un désastre que l'Amazonie brûle? Ouais, c'est grave. Parce qu'on fout le feu là-bas. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Pourquoi c'est grave? Comment? Déforestation. Déforestation. Oui. C'est vrai. Il y a aussi les vieux oies qui crament aussi les arbres. Mais qu'est-ce que ça représente l'Amazonie pour la planète? C'est pas bon. Le cœur de la planète. Le cœur? Oui, c'est eux qui disent ça, le cœur de la planète. Non, on dit pas le cœur, on dit le... Oui, voilà. Le poumon de la planète. Donc c'est très grave si ça brûle. Ouais, hein? C'est grand. Est-ce que vous êtes inquiet un peu pour la planète? Non. Eh ben, on fera une spéciale planète, c'est ce que je disais tout à l'heure, à une émission. Hein, pour vous sensibiliser un petit peu. Moi, je suis la planète, je recycle toujours les papiers d'art, les plumes. Non, mais c'est bien, mais on en parlera à une prochaine émission. Vas-y, Christopher, tu peux continuer avec tes infos. Et aussi le drone. Oui, vas-y. Alors. En fait, c'est une entreprise française, ils ont créé un drone. En fait, tu peux mettre une personne dedans. Et le drone, il peut, la personne elle sort du drone, elle tombe en parachute, et le drone, il revient à la base. Un drone militaire, hein, c'est ça? Ouais. Alors, est-ce que les autres, vous avez entendu? À la radio. Ah, c'est Christopher qui me l'annonce. Je pas... Ah oui. Ah oui. Non. Christopher non plus. Non. Moi, je les autres. Je savais pas qu'on mettait un homme dans le trône. Normalement, c'est fait pour qu'il n'y ait pas d'humain. Eh ben, c'est tout nouveau. Ah oui. Ça vient de sortir. Ah oui. Aux Pays-Bas. C'est bien, Christopher, hein, parce que. Très bien, oui. Oui, tu te documentes beaucoup. Tu nous apprends des choses. Voilà. Hein? Donc, le drone militaire, hein, il servira pour quoi? Pour secourir des gens aussi. Oui, aussi pour les secours. Aussi pour les chercher. Non, tu peux mettre une personne dedans. Donc, c'est bien. Et qu'est-ce que tu avais d'autre? C'est plus. Ah, explosion de pétrolière. Tu parles trop vite là. Parce que... explosion pétrolière. Pétrole. Pétrolière. Voilà, tu nous as dit qu'il y avait eu... une explosion pétrolière. Une plateforme pétrolière explosée. Oui. Deux trucs. Oui. Est-ce que vous avez entendu... L'essence, il coûte plus ça maintenant, l'essence. Non, mais j'ai entendu aussi. Régine, vous avez... Non. Des papes. Voilà, alors ce qui se passe, oui, ça a explosé. Et ce qui se profile, apparemment, c'est... que eh ben, l'essence va augmenter. Voilà. Puisqu'il y a deux plateformes qui ont explosé. Ça coûtera même plus cher. Voilà. Faites-vous bidon d'essence. Faut prendre un bidon d'essence. Ouais. Faut prévoir. Faites plusieurs bidons et hop. Vous êtes dans les caves et hop, c'est réglé. Ok. Ensuite, tu avais dit. C'est plus. Reprise. Du mouvement. Mouvement des gilets jaunes. Voilà. Vous avez entendu, Marie? Mais c'est moi ça qui vous dit. Christophe, Régine, vous avez entendu? Oui. C'est moi ça qui vous dit. Samedi. Ah oui, en plus, tu as Nicolas. Raison. Voilà. Alors, ça a repris quand, Nicolas? Ça a repris à Paris. Hein. Ailleurs. À Paris, hein, ça a repris. Non, mais là, le gros mouvement qu'il y avait, je crois que c'était Nantes, hein. Non, ils étaient à l'aéroport de Roissy ce week-end, non? Mais moi, j'ai entendu sur Nantes. Hein. La ville qui avait été choisie Paris, pour hein. Le rassemblement, c'était Nantes. Mais écoutez, sur France Bleu, Corinne. Bon, après, il peut en avoir un peu partout. Hein, c'est sur France Bleu, j'avais écouté ça. On fait pas de pub pour les autres stations non plus. Hein. Alors, Nicolas, c'est quel jour, les gilets jaunes? Je sais plus. Samedi. Dans la semaine, le samedi. Ouais. C'est toujours le samedi, ils font les gilets jaunes. Tant qu'on va encore entendre ça, on a fait encore les gilets jaunes. Alors, Nicolas, à ton avis, pourquoi les gilets jaunes reprennent le mouvement? Pour en mal fesser encore. Hein. Oui, mais pourquoi? Pour foutre le feu. Hein. Non, pas pour qu'il foute le feu. Pour Macron démissionne. Christopher, je me sens du coup là. Nicolas réfléchit. Pour ton avis, pourquoi Macron démissionne là encore là. Non, mais pourquoi ils reprennent le mouvement? Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. En ce moment, il faut dire qu'il y a plein de mouvements. Ben oui, c'est difficile des à savoir. Grèves, des T'as mouvements. Raison. Après, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des grosses grèves aussi pour les retraites en ce moment. Et puis, les gilets jaunes, ben, c'est le carburant, moi, j'ai entendu, hein, qui allait de nouveau remonter. J'étais sur tout ça, qui relançait le mouvement. T'as pas entendu, Nicolas, ça? Quoi? Si, t'allais arrêter... Les maisons de retraite, là. Ils vont arrêter les maisons de retraite. On va plus mettre les personnes âgées en maison de retraite. Bah oui, où vont aller les personnes âgées s'ils arrêtent les maisons de retraite? Hein? Bah, ce sera peut-être comme à l'ancienne, alors. Hein? Les papis, mamies resteront au domicile. Oh! Avec les enfants. Bah, c'était ça avant, hein. Mais madame, maintenant, c'est plus ça. Comme ça. Mais maintenant, c'est plus ça. Bah oui, il y avait plusieurs générations à la maison. Et maintenant, les papy-mamies, souvent, oui, ils se retrouvent en maison de retraite. Mais alors, non, Nicolas, ton info, là, qu'ils vont arrêter les maisons de retraite, non, hein. Moi, je n'ai pas entendu ça. Non, c'est une fausse info. Oui, c'est de l'intox. Oui. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y avait pas assez de personnel. Pas assez de gens qui travaillent. Comme dans les hôpitaux. Oui. Oui, j'ai entendu ça. Et comme les avocats aussi. Oui, les avocats, ils ont aussi manifesté. Non, plus que les banquiers, après. La RATP, c'est qui la RATP? Les ambulances. C'est qui? Les ambulances. Non. Les médecins. Non. Les hôpitaux. Les hôpitaux. C'est, la RATP, C'est pas un truc de médecin, ça? Non, en plus, c'est à Paris. On a parlé lundi. Les métros, là. Oui, le bien, métro. Bien, Christopher, oui. Ouais, qu'il a eu le bazar en Paris, là. Et pourquoi ils manifestaient, eux? Non, pour les retraites. Ouais. La retraite des conducteurs. Oui, parce qu'eux, ils peuvent prétendre à la retraite 52, 55 ans. Et que là, avec les nouvelles... ce qui doit passer, ils la prendraient plus tard. C'est-à-dire que tout le monde serait au même niveau. Donc forcément, ça grince des dents un peu partout. Un vendredi noir, comme on dit. Comment? Un vendredi noir? Oui. Ah, vendredi dernier, oui. Vendredi noir. À Paris, oui, ça devait être oui. Un désastre. Un désastre. Mais c'est bien, c'était l'occasion de ressortir les vélos. Allez, marche à pied. Parce que ton boulot t'arrive en retard. Ou prendre des bus. Alors, est-ce qu'on peut faire une pause, là, Marion, Christopher? Avec la chanson de Camille, peut-être, si on peut. Tout le bonheur du monde, c'est ça? Non, c'est Lève-toi. Ok, ça marche. Péché désir, pour un serpent de Bible a brisé son empire. Bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre les mots du premier jour. Saveur amère d'homme interdit à goûter les plaisirs que Dieu punit. Oh, cœur mortel, Ève aux yeux pâles, délaissée par le ciel, elle a mal. Ève, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants grandis. En donnant la vie, je serai comme toi. d'Afrique a perdu le sourire. Ève en velours, chagrin d'amour, chemin du petit jour, n'aime plus rien. Oh, femme future, sur ce trésor, le corps en aventure, elle s'endort. Droit et devoir du bénévole. Bon, c'est bien. Oui. C'était la chanson de Camille. Pourtant, elle n'est pas récente, la chanson-là. Elle est vieille. Alors, Christopher, concernant les infos, il y avait encore un petit point. Ah oui, l'autre. C'est le de Landry. Le son, là. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais que ce soit Christopher. C'était son info. Vas-y. Avec le son. Jean-Luc Mélenchon, j'arrive pas à dire son nom. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Son... Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Luc Mélenchon? Vas-y, raconte. Je n'ose pas dire le nom du parti. Le parti. Oui, Jean-Luc Mélenchon, là, qui s'est fait partitionner. Ah, je sais plus, là. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? T'as même pas besoin de dire son parti, hein. Ah, ok. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Jean-Luc Mélenchon? Il va pas subir au tribunal. Oui, pourquoi? Parce qu'il a agressé un policier. Il a agressé un policier? Oui, il a tapé à la porte, il a secoué la porte. Ouais. Et t'as dit qu'il avait dit? C'est plus, là. Ah, toi, tu vois, lundi, tu as... Il nous l'a sorti, là, tu peux plus. C'est 4 ans de prison, il va mériter, là. Non, enfin, c'est vrai. Toi, tu dis, il mérite 4 ans de prison. Oui, il a déjà eu 4 ans de prison, moi. Ah ben, dis donc. Christopher. Oui. Tu te rappelles plus? Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tu dis, voilà, il a agressé... Et après, ça va être sa femme, après. Après, ça va être sa femme. Et après, là... Là, tu te trompes de... C'est pas lui qui, là. Par exemple, il y avait pas sa femme avec lui, Nicolas. Non, ça va être après, là. Il est en prison. Ah, Nicolas, tu te gourres, là. Ah, tu... Non, je pense qu'il confond avec... Tu confonds. Balkany. Balkany, tu te confonds avec Balkany. Ouais, je parlais pas de ça. Parce que Landry, il avait parlé le monsieur Balkany, donc je pense, oui, tu te trompes. Parce que c'est vrai que M. Balkany avait aussi, avec sa femme... En prison. une histoire. Oui, bon. Mais là, on n'en est pas à lui. On en histoire est de Gresson. Monsieur Mélenchon. Mélenchon. À ses 5 pros. Il va être condamné à ses 5 pros, c'est ça? Il va être condamné à quoi? À ses 5... Il va être déjà à ses 5 pros, là. Il y avait 5, je crois. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi... Avec 5 proches? Oui, t'avais pas dit ça aussi? On ne sait plus, ou c'est juste lui. Non, c'est lui, tu as raison, Christophe. C'est lui qui a agressé, donc ils ne vont pas condamner Jean-Luc Mélenchon et puis des proches. Tiens, bah, toi, tu vas condamner aussi, toi aussi. Non. C'est sa responsabilité, c'est lui qui a agi comme ça. Ouais, qu'on voit les images, hein. Oui. Est-ce que tu as vu ça à la télé, Zinedine? Est-ce que tu as vu ce que Christopher décrit là? À porte là. Non, est-ce que tu l'as vu à la télé? Ah, oui. Oui, ok. Ah bah ça y est. Je l'ai dit moi, Negan. Christopher aussi, t'as vu? Pardon, j'ai pas suivi. Le problème de Monsieur Mélenchon avec la justice. 4 ans de prison. Non, ça c'est Balkany. C'est pas le même, Nicolas. Ah, ça c'est un autre. D'ailleurs, il n'est pas encore jugé, Mélenchon. Il n'est pas encore en prison. Hein. Mais il va pas être en prison. La République, c'est moi. Mais Nicolas, je crois que... C'est moi. Christopher, tu n'as même pas écouté ce que Christopher a dit. Si, j'ai écouté. Il n'est pas en prison puisqu'il va passer au tribunal. Ouais. Et après, il sera... C'est moi. Donc pour l'instant, il est libre. Il n'est pas encore. Hein. La République, c'est moi. Et donc, toi, tu parlais de M. Balkany. Eh ben vas-y, raconte-nous. En prison. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je sais pas. Il a blanchi de l'argent. Il a blanchi de l'argent au disque, là, qu'on appelle, là. Alors, comment on fait pour blanchir de l'argent? Mais t'es compris, là. On déterpant les impôts. Ah. On met de l'eau de Javel dedans? Non, on déterpant les impôts, sur la feuille des impôts. Oui, non, mais oui. Et puis... Il est aussi jugé par avoir corrompu quelqu'un, essayer de corrompre quelqu'un. Corrompre. Oui, alors il a corrompu qui? Avec une fille. Une fille? Non, le président. Alors attends, parce que je crois que Nicolas nous a quittés là. Qu'est-ce que ça veut dire corrompu, Nicolas? Non! Mais je crois que t'as pas compris le terme, corrompu. Eh oui. Donner de l'argent. Oui, c'est un peu acheter quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose de. De pas trop clair des fois. Hein. Alors, raconte-toi. En fait, il a blanchi de l'argent au fisc. Il a blanchi de l'argent au fisc. Oui, c'est comme ça qu'on dit les impôts, le fisc. Une chose me court de nom, c'est l'impôt, je veux dire. Oui, de toute façon, oui, c'est les impôts, oui, le fisc. Oui. Donc. Il est condamné à 4 ans de prison. Il est un peu détourné de l'argent comme ça. Ça fait moi aussi, Ça fait moi aussi, hein. Voilà, bien, Nicolas. 2 ans de prison, sa femme. Non, elle n'est pas encore en prison. Elle se présente pour être maire de la ville. Oui, tu as raison. Sur la dame, elle a encore de l'argent de côté. Oui. Le mec, il a lancé. Il ne faut pas aller trop vite, parce que Mélenchon, il n'est pas encore jugé. Alors, nous, on ne peut rien dire. Il faut attendre que ce soit les juges qui le disent. Voilà. Oui. Kenny, il est en prison. Et là, vous parlez de... Pour tout citoyen, c'est pareil. Mais c'est grave. Je ne peux rien dire d'avance, parce qu'il faut qu'il passe devant les juges. C'est le juge... a le dernier mot. Oui. Voilà. Et monsieur donc Balkany, vous avez raison, il y avait aussi sa femme. Elle s'est se suicider. Elle a quoi? Elle s'est se suicider au début du procès, là. Elle a fait une tentative. De suicide. Avec les veines. Avec les veines. Non, ils ont même pas dit comment. Non, ils n'ont pas dit. En mai-juin. Madame, elle est conquise, madame. Et puis alors, qu'est-ce que ça a donné, ça, l'affaire, là? Il s'est fait arrêter, Balkany, là. Oui, et puis il est où, là? En prison. 4 ans de prison. 4 ans de prison. Oh, c'est grand, sa femme, 2 ans. C'est grand. Sa femme, 2 ans. Et ça rigole pas, hein, quand on veut rouler le fisc, tout ça. Hein. C'est grand. C'est grave, oui, c'est grave. C'est grand. C'est grave. J'ai pas la photo. Bon, alors les infos. Est-ce que peut-être depuis lundi vous avez vu autre chose? Non. Ou c'est bon? Autre chose? Camille? Tu as une idée? Non. Ah, je crois qu'il avait un autre truc là, un homme politique qui aussi s'est fait un examen là. Aussi le pétrole là, hier là. Ah, cool. Celui qui fait les trucs des questions du gouvernement. Alors, je ne suis pas, vous avez deux sujets différents là. Oui, qu'est-ce qu'il a Il y a notre politique là, c'est le truc du gouvernement là pour voter des lois là. Au Parlement. Ouais, au Parlement. Qui s'est fait arrêter, il y en a qui est en examen là. Ça, je n'ai pas trop suivi non plus, moi. Oui, j'ai entendu qu'il y avait une histoire... T'es le spécialiste des mises en examen, hein. Mais c'est pas moi s'ils disent ça aux infos, là. Ils ont mis ces examens, là. Tu t'informeras un petit peu plus, et puis tu nous en parleras la prochaine fois, si tu veux. Mmh. Et Nicolas, tu disais quoi? Tu t'as pas entendu hier aussi, là, le pétrole, là. Le pétrole, oui, vas-y. Ah oui, que tu C'est pour le chauffage. Pour le chauffage. Pour le chauffage des maisons, là. Oui. C'est pour un hiver, là. Oui. Ils avaient en parlé hier, hein. Oui, mais ils ont dit quoi? Je sais plus. Vous avez entendu, vous, Régine? Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? Non, c'est hier, ça. C'est quoi? Ça va augmenter, peut-être, ou je sais pas? Non, c'est le pétrole qui va dans les maisons, là. Le fioul. Oui, le fioul. Alors, qu'est-ce qui arrive avec le fioul? Pour le chauffage? Oui. Je sais plus, là. Il va augmenter? Le prix va augmenter? Je sais plus, là. Il vient de différents trucs, en plus, le fioul, là. Ouais. Alors, est-ce que vous savez, concernant le carburant, l'essence, le diesel et tout ça, est-ce que vous savez que sur le prix d'un litre d'essence ou de gasoil et tout, il y a 75% de taxes? Je crois que j'avais entendu ça. Sur le prix. Donc, s'il y avait un peu moins de taxes, Régine, on pourrait payer un peu moins cher. Des chiens, 300. C'est pour ça que les gilets jaunes. C'est énormément taxé. Des chiens, ça. Oui, c'est cher, oui. Je crois que j'avais entendu, je crois. On gagnera cher. Il faut quand même s'utiliser pour la grève aussi. Pour les gilets jaunes. Bon, les infos, poum. Ouais. Allez. Parlons du foot. On va commencer le sujet de la rentrée. On verra si on a le temps de. Mais le foot. On parle de foot là. Non, on parle pas de foot. Non, on avait dit ça. On avait dit que vous devriez raconter à la radio qu'est-ce que vous faites de nouveau sport cette année. Donc on parle pas des choses. Attendez. Alors, ceux qui n'ont pas beaucoup parlé déjà. Ouais. On va. Zinedine. Attends. À toi. Alors. Qu'est-ce que tu fais de nouveau à l'IME depuis la rentrée? Ou au collège aussi? Oui. Alors, vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas ce que tu fais, toi? Si. Et moi, c'est narco de feu, moi. Le vendredi? Ah oui. Tu fais quoi le vendredi? Je sais. Alors, réfléchis. Gabriel, qu'est-ce que tu fais, toi, à l'IME? Cralalais. Tu enlèves ta main? Tu fais quoi? Cralalais. Toi, tu fais que travailler. On travaille pas, l'IME. Ah, c'est que travailler, non, travailler. Pauvre Gabriel, il travaille. Non, c'est non, ça, notre Tu fais pas autre chose? Non. Piscine. Piscine, tu vas à la piscine, oui. Avec nous, je dis. Et On va tous les jours au collège. Tous les. Pas tous les jours. Tu vas au collège? Le lundi. Le lundi? Le jeudi et le vendredi. Jeudi et le vendredi. Et pas le mardi. Pas pour l'instant, non. Non, parce qu'il n'y a pas encore de place. Ouais, voilà, il y a les places sont chères hein, au collège. Hein. Du dessin? C'est quoi? Dessin? Du dessin. Et puis? À Bounois. Bon, tu vas en horticulture. Il y va plus. Albin et Benoît. Il est trop jeune. Et puis, si. Non, il est jeune. Nicolas, on en reparlera hors antenne, hein, voilà. Et puis? Un Benoît. Oui. Et puis? C'est pas. Tu sais pas. Oh non. On fait la serre. Un serre, oui. C'est pas... Bon, bah écoute, apparemment, tu as parlé de ce que tu préfères. Oui. Hein. Ah bah c'est ce qui bien. Ressort, mais c'est bien, Gabriel. Oui. C'est bien. Oui. Camille. Bah, on l'a pas beaucoup entendu non plus. Hein. Non. Alors, un art plastique. Voilà. Alors, toi, Camille, déjà, tu vas au collège aussi. Et tu es en art plastique, mais avec qui? Les cinquièmes. Classe de cinquième, voilà. Oh non, ça doit être bien. Alors, comment ça se passe, Camille ? Bien. Bien, voilà. Et en plus, tu y vas toute seule. Il n'y a pas d'éducateur qui vient avec toi. Alors ça, c'est bien. Hein ? Bravo. Qu'est-ce que tu fais d'autre de nouveau cette année, Camille ? La piscine. La piscine, ouais. Ah oui, des pugets. C'est Camille qui parle. Oui, oui. Vas-y, Camille. Oui. Oh bah, tu as une semaine très complète. Très complète. Moi, j'aurais aimé, quand j'allais au collège, avoir art plastique, piscine. Terminé, la semaine est finie. Hein, c'est... Alors, Camille, autre chose ? Non. Bon, après, c'est le début de l'année. Hein. Il faut peut-être le temps aussi d'assimiler les choses. C'est question. Alors, s'il te plaît, Christopher. La piscine. Voilà. Alors, ça, c'est nouveau. Mais c'est pour un trimestre. Hein. La piscine. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Oui, alors, ensuite. Ah, pour essayer la douche au sport aussi, vendredi. Ah, ça, c'est vraiment bien. Ah, ouais. Ce sont trois jeunes en inclusion sport le vendredi. Ouais. Christopher, Timothée, Zinedine. Zinedine aussi ? Oui. Ouais. Ah oui, c'est tout le temps. Et après la douche. Voilà, et après le sport, c'est la douche. Ça, c'est nouveau aussi. Hein. Hein? Deux points, mon ami. Deux tours. T'as couru deux tours. Ouais, trois tours, il m'avait dit. Tu fais de la course, alors ? Ouais. Donc avec les autres élèves du collège ? Tu fais le cross. Oui. Parce qu'il y a bientôt le cross. Comme nous. Oh, allumé au collège. Voilà, le 17, c'est allumé, le 18 au collège. Oh. Bah, vous avez intérêt de vous entraîner. À Tolès. À Tolès. Et allez. Ensuite, Christopher. Ensuite. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ton emploi du temps ? À Talbin, moi. Oui, vas-y, raconte. Oui, alors, vas-y. Talbin, moi. Oui, bah dis. On monte la serre. Oui, donc c'est quel atelier ça ? Le bois là. Horticulture. Voilà, hier après-midi tu as fait quoi ? Techno. Oui, avec qui ? À Talbin. Voilà. Et le lundi, une fois toutes les trois semaines, tu vas où ? À l'écobase. À l'écobase, c'est à Bouzet. C'est un chantier avec les Francas. Ah, ok. Hein, vous êtes en train de préparer un sentier. Ouais. Oh non, voilà. Avec des douches. Et pour finaliser ce chantier-là, fin d'année, ils partiront une semaine en séjour. Ah, oh, c'est bien. C'est bien, hein ? Moi, je ne pourrais pas, moi. Et avec qui ? Ben, il y aura sûrement Albin Benoît et puis des gens des Francas. Ah, oui. Moi, je trouve que c'est super, ça. Oui. C'est un très beau projet. Et puis, quoi d'autre ? Cobal, la piscine, le sport, la douce. Oh, j'ai tout dit, là. Donc c'est un truc. Hein. Ouais, parce que tu vas au collège aussi. Hein, là aussi, là, c'est un truc, mais il a pas dit encore. Vas-y, dis-moi. Il est SBT aussi. Hein. Ah oui, mais ça prend la piscine, ça. Ah oui, mais t'as pas commencé. Non, ça prend la piscine. Et tu vas où à la piscine ? La piscine. Vanier. Vanier. Vanier. Ah, Vanier. Piscine. Vous y allez avec le collège ? Non. Non, non, on y va entre nous. Ah oui. Mm. Mais oui, t'es à piscine. Ah. Il y a un bassin. Ouais. Oui, il y a pied quand même. Non, pas pied. Après, il n'y a plus pied après. Non, en fait, c'est penché la piscine. Ah, elle descend progressivement. Oui, ça descend. Oui. Moi, je suis arrivé à nager sans la ceinture. Moi, j'avais le pied un peu plus loin. Moi, deux. Ah, mais et moi, toi, t'as fait pareil que moi, j'ai enlevé ma ceinture, t'as enlevé ta ceinture. Moi, j'arrivais à faire comme ça. Et alors, il est arrivé aussi, lui. T'es pas. Je sais pas, j'ai pas entendu. Tu es arrivé à nager ? Oui. Oh, c'est bien. Mais il y a eu des données. Non, décourage, c'est dire non. Non, je crois que t'as pas arrivé trop. Non, il n'arrive pas trop, je crois. Moi, je suis arrivé, j'arrive à nager. Christopher, autre chose ? Non. Voilà, on va peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre. Tiens, Nicolas. Et sport, SVT ? Pas trop vite. Hein. Alors, sport, SVT ? Sport, SVT le lundi. C'est quoi SVT ? Tiens, Régine, elle sait pas ce que c'est SVT. Oui, c'est quoi ? C'est la science. On apprend les planètes. Science et vie de la Terre. Ah, oui. Les planètes. Pour l'instant, oui, on est sur les planètes. Si... Là, c'est au collège que tu vas faire ça. C'est non, c'est... Mon inclusion, oui, c'est bien. Oui. Mm-hmm. Et puis Mercredi aussi... radio, hein. Non, mais t'es aussi en inclusion, quoi. Au collège. Un sport, j'ai dit, hein. Voilà. Oui, mais piscine. T'as pas précisé inclusion, c'est important, ça. Les inclusion. Ouais. La piscine. La piscine. Et puis, qu'est-ce que tu fais de nouveau par rapport à l'année dernière? Rappelle-toi ce que Christopher a dit. Parce qu'il y a des ateliers que tu partages avec Christopher. Non, mais ça, il a dit. Ah, je sais plus, là. T'es pas avec Albin, aussi? Si, je crois, mais je sais plus. Oui, t'es avec moi. Ah, hier, t'étais pas... Début, hein. T'étais pas avec Albin, hier. Si. Si, ouais. Fou. Et puis... Horticulture. Horticulture, aussi. Et je sais plus l'autre. Techno-horticulture. Techno-horticulture, c'est tout, je crois. En classe. Bah oui. C'est un grand programme. Et c'est tout, je crois. C'est tout. Mm-hmm. Et sport le mercredi aussi. Oui, sport. Oui. Atlandry. Oui. Et voilà. C'est bon, vous avez fait le tour. Oui. Allez, Gabriel, maintenant. Une nouvelle. Gabriel, tu veux nous dire quelque chose? En plus, toi, c'est celui qui aurait le plus à raconter, parce qu'il arrive sur le groupe. Tu arrives sur le groupe, tu viens de la 16, du groupe des plus jeunes. Et tu arrives, donc tu fais plein de choses nouvelles, toi. Est-ce que tu fais, mais le jeudi, Gabriel? Bon, après, il a raconté un petit peu, quand même. Jeudi, il faut lui laisser du temps, hein. Oui, le jeudi, il est avec nous. Ça viendra, Gabriel. Le jeudi, il est avec nous. Alors, Zinedine, tu bricoles le micro? Non. Est-ce que tu sais qu'un micro, ça coûte très cher? Oui. Mmh. J'espère que tu as beaucoup d'argent dans ta tirelire. Hey hein. Ah bah si. Ça vaut 2000 euros le truc. Je un sais pas truc. Combien 2000, ça coûte. 2000, mais... 4000. C'est pas un truc. 4000, 6000, 7000. Qui crée? C'est pas un truc. Hein. C'est un micro. Un diable, moi. Un truc. Donc il est 57. Vous savez, il faut bientôt rendre partir, manger. Et donc, avant de terminer, vous allez vite nous donner vos impressions sur cette première. Est-ce que ça vous convient? Oui. Est-ce que oui. Vous êtes prêts pour faire toute l'année comme oui. Ça? Oui. Oui, bien là. Oui, ça bien. Vous plaît? Oui. Ouais. Tout le monde a trouvé toi sa aussi, place. Oui. Oui, ça vous plaît. Oh, ah. C'est super, hein. Oui, avec un grand sourire. Et Régine, alors? Ah, c'est bien. Contente d'être là. Bon, bah, c'est bien. Super. Alors... On va rendre l'antenne, peut-être? Oui. Hein? Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Au revoir! Au revoir! La semaine prochaine. Est-ce qu'il y a besoin de crier? Au revoir! Si tu as crié. Dis au revoir! Au revoir! Au revoir! Dis au revoir! Au revoir! À la semaine prochaine. Ça va? Oui. Bon. Eh bien, au revoir, Régine. Au revoir, au revoir. Au revoir à tous et bonne semaine. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. Ensemble au petit coin, mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel. Baby, je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Ton regard fixé, lisé, m'a envoûté. Toi, mon précieux, mon précieux, mon précieux. Mon précieux, mon précieux, mon précieux. Message. Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller encore?